Section 56 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270. 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 13. Première partie, Bohême, la révolution hussite. Suite, par Ernest Denis. L'université. De toutes les créations de Charles, l'université fut une des plus fécondes. En 1347, il obtint du pape l'autorisation d'établir à Prague une étude générale. La charte du 7 avril 1348 en fixa les statuts. Les étudiants et les professeurs devaient jouir des mêmes privilèges que ceux de Paris et de Bologne. Elle subit ensuite diverses modifications, dont la plus grave fut la scission des juristes, qui à partir de 1372 formèrent une université distincte. Elle ne se composa plus dès lors que de 3 facultés, art, théologie et médecine, dont chacune fut une corporation indépendante sous la direction de doyens élus chaque année. Toutes jouissaient d'une liberté absolue d'enseignement et rédigeaient seules leur programme. Les bacheliers, pourtant, étaient tenus de soumettre aux doyens les leçons des professeurs de Paris ou d'Oxford qu'ils comptaient dicter à leurs élèves, et certains sujets leur étaient interdits. Les docteurs n'étaient obligés que de revoir avec conscience les ouvrages étrangers qu'ils avaient coutume de prendre pour base de leur enseignement. Pour être inscrit dans une faculté, il fallait faire partie de l'université, comme l'Université de Paris, dont Charles IV imita en général l'organisation, celle de Prague comprit 4 nations, tchèque, saxon, bavarois, polonais. Le recteur était élu pour une période de 6 mois. Les membres de l'université n'étaient justiciables que du recteur et du conseil académique. Pour attirer et retenir des professeurs éminents, le roi ou de riches particuliers établirent des collèges, corporations de maîtres qui vivaient en commun, se partageaient les revenus affectés à la maison et étaient tenus de lire un cours à l'université. Comme la nation polonaise comprenait avec les Silésiens les étudiants des contrées voisines, les Allemands disposaient de la majorité pour les élections universitaires, 3 voix contre une seule laissée aux Tchèques. Il était peu probable que ceux-ci supportassent longtemps une inégalité humiliante. Les luttes qui en résultèrent bientôt eurent une grande importance non seulement pour l'avenir de l'université, mais pour celui du pays entier. Charles avait entendu marquer par là le caractère qu'il espérait donner à sa fondation. L'université, dans son esprit, était bien sans doute une institution tchèque, puisque les élèves, après avoir terminé leurs études, étaient tenus d'enseigner pendant un certain temps dans les écoles du royaume. Mais elle était aussi, et avant tout, une institution européenne, le point où devaient se rencontrer les nations du centre et de l'est de l'Europe, le foyer d'où la civilisation latine et occidentale rayonnerait sur les peuples grecs et slaves. La gloire de l'université de Prague n'a pas été de longue durée, mais elle a brillé d'un très vif éclat. Il arriva, écrit un historien contemporain, des prélats, des fils de nobles et de princes. Des étudiants venaient d'Angleterre, de France, de Lombardie, de Pologne et des diverses contrées du monde. Au moment de sa plus grande prospérité, de 1372 à 1389, elle comptait près de 10 000 étudiants. La fondation des universités de Cracovie, 1362, de Vienne, 1366, de Heidelberg, 1386, de Cologne, 1388, d'Erfurt, 1392, prouva l'envie qu'elle inspirait plutôt qu'elle ne diminua sérieusement le nombre de ses élèves. De 1367 à 1408, la faculté des arts ne reçut pas moins de 844 maîtres et 3823 bacheliers. Ces chiffres nous expliquent comment, dans la question du grand schisme, lorsque les universités essayèrent de prendre la direction du monde catholique, l'étude générale de Prague, malgré son origine récente, put jouer un rôle presque égal à celui de l'université de Paris. L'héritage de Charles IV. La politique patrimoniale de Charles IV, en même temps qu'elle avait provoqué des jalousies redoutables, allait mettre ses successeurs dans une situation fausse et leur imposer des obligations souvent contradictoires. Il espérait que la Bohême serait le point d'appui dont il se servirait pour soumettre l'Allemagne. Il se trouva, comme tant de fois déjà auparavant, que ses ambitions impériales, en divisant les forces et les désirs de ses fils, les empêchèrent de veiller d'assez près à leurs intérêts immédiats et préparèrent à la fois la ruine de la dynastie des Luxembourg et la décadence de la Bohême. Les fâcheuses dispositions que dicta à Charles IV son amour paternel hâtèrent le mal. Il divisa ses états entre ses divers fils, donna au plus jeune une partie de la Lusace, au cadet Sigismond le Brandebourg, que celui-ci engagea bientôt et abandonna ensuite définitivement au burgrave de Nuremberg, 1411 et 1417. La Moravie était gouvernée par des princes particuliers. La haute suzeraineté que conservait Wenceslas sur ses frères était de nature à provoquer des conflits, bien plutôt qu'à maintenir l'unité de la couronne. Wenceslas IV, 1378-1419. Première partie de son règne. On ne peut accepter sans réserve les accusations dont a été accablée la mémoire de Wenceslas. Les prêtres, qui au Moyen-Âge rédigeaient l'histoire, ne lui ont pas pardonné sa sympathie pour Jean Hus. Et les Allemands ont été sévères pour le protecteur des Slaves. Si l'on étudie de près les anecdotes qui forment le fond des réquisitoires dressés contre lui, on s'aperçoit bientôt que les unes ont peu de sens et les autres de vraisemblance. Le portrait que nous tracent les documents authentiques, sans être exempt de tâches, est cependant très différent de la caricature que consacre la tradition. Son père n'avait rien négligé pour le préparer aux grands honneurs et aux redoutables devoirs qui l'attendaient. Instruit, beau parleur, son visage agréable et fin qui rappelait celui de sa mère Anne, sa bienveillance, sa verve un peu exubérante et grosse, lui gagnaient les cœurs. Il resta toujours populaire. Il avait un assez vif sentiment de ses droits, le goût de la justice, maintint l'ordre dans les finances sans imposer à ses sujets de nouvelles charges. Les débauches qu'on lui attribue sont controuvées, et il semble au contraire avoir eu pour sa femme un attachement sérieux et durable. Les choses de l'esprit ne l'intéressaient pas toujours et il se plaisait moins aux discussions théologiques qu'aux exercices violents, à la chasse surtout, dont il était fou. Cependant, il n'abandonna pas non plus cette partie de l'œuvre paternelle, favorisa l'université, continua les grands travaux commencés. Par malheur, il ne s'acquittait de son métier de roi que par devoir et non par goût. Peut-être son père avait-il surmené son esprit naturellement indolent. Il lui en était resté une incurable paresse. Bientôt découragé par les difficultés, dont quelques-unes étaient insurmontables, il laissa aller les choses, ne se reprenant que par accès et par boutade. Ses langueurs étaient coupées de brusques violences, et bien qu'il ne fût pas méchant, ses emportements l'entraînèrent plus d'une fois à des actes de cruauté. Les deux qualités maîtresses de Charles IV, les plus nécessaires à un souverain, lui manquaient absolument, la mesure et la persévérance. Wenceslas avait pris au sérieux son rôle de chef de la maison. Son frère Sigismond, son cousin Jos de Moravie, n'avaient jamais imploré en vain son appui. Leur trahison lui fut cruelle. Il chercha une distraction dans l'ivresse. Ce défaut n'était pas rare à cette époque chez les princes. Wenceslas s'y abandonna de plus en plus. Ses sujets connaissaient son faible. Quand on voulait obtenir une faveur, on lui envoyait quelques pièces de bon vin. Pour s'excuser, il racontait qu'on avait tenté de l'empoisonner. Des remèdes énergiques l'avaient sauvé. Mais il était torturé depuis par une soif inextinguible. À ce régime, il perdit vite toute volonté, négligea toujours plus ses intérêts. Le pouvoir lui coula des mains plutôt qu'on ne le lui arracha. Son indifférence facilita toutes les révoltes. Son inertie fut si favorable en particulier à la révolution hussite que ses adversaires ne crurent pas le calomnier en l'accusant de complicité avec les rebelles. Les précurseurs de la réforme religieuse, Stitni. À une époque où dans tous les pays les richesses de l'Église étaient immenses, l'Église de Bohême était réputée pour son opulence. Le nombre de prêtres était assurément excessif. Il y a aujourd'hui en Bohême 1900 curés pour 5 millions d'habitants. Il y en avait 2100 pour moins de 3 millions, la plupart entourés d'auxiliaires, vicaires, suffragants, etc. Et ce n'était rien à côté des véritables bataillons attachés aux grandes fondations. L'église métropolitaine comptait 300 ecclésiastiques. Le chapitre de Vichérad, plus de 100. Ajoutez-y l'armée du clergé régulier, plus de 100 couvents en Bohême. Prague seule comptait 18 couvents d'hommes, puis les prieurés, les commanderies. Tout cela vivait grassement et les principaux titulaires disposaient d'immenses bénéfices. Jean Hus calculait qu'un tiers ou un quart du royaume était entre les mains du clergé. L'archevêque de Prague possédait 400 villages, plus de 10 villes, dont quelques-unes n'étaient ni moins riches ni moins populeuses que certaines villes royales. Conséquence inévitable de la richesse, la corruption. Partout la simonie. L'exemple venait de haut. Les papes avaient ouvert un véritable marché des dignités ecclésiastiques. La plupart des prêtres, fort ignorants, indifférents à leurs devoirs, ne songeaient qu'à extorquer de l'argent aux fidèles. D'autres scandalisaient le peuple par leurs mœurs. Lors d'une grande inspection en 1379, sur 31 prêtres, 16 sont accusés des plus graves désordres. Le mal est si général que l'autorité supérieure renonce à punir les coupables, frappe d'une simple réprimande les curés qui vivent publiquement en concubinage. Beaucoup de prêtres, et non des pires, reconnaissent leurs enfants, les élèvent, leur ménagent leur succession. Et au moment même où les moines et les prêtres donnaient l'exemple des plus honteux débordements, ils abusaient de leur puissance avec une odieuse insolence. Ils refusaient d'acquitter les taxes et profitaient de leur franchise pour faire aux bourgeois une concurrence déloyale. Non seulement ils s'étaient soustraits à la juridiction des tribunaux ordinaires, mais ils entendaient réserver aux cours ecclésiastiques tous les procès où un clerc était mêlé et toutes les questions qui de près ou de loin touchaient à la religion. Les excommunications toujours plus fréquentes n'étaient souvent qu'un prétexte à exaction. La population subissait ces privilèges avec d'autant plus d'impatience qu'ils n'étaient plus justifiés par rien. Et les vices de l'Église l'irritaient davantage parce que sa foi était restée vivace. Elle accablait de railleries les disciples dégénérés du Christ, mais sa piété n'en était pas sérieusement altérée. Pour guérir le mal dont souffrait le monde, il suffisait, pensait-elle, de rétablir l'Évangile. De là viendrait la résurrection, comme était venu le salut. Le mouvement de réforme partit cette fois, non de l'Église elle-même, mais d'une institution qui avait grandi sous sa protection et qui était restée intimement liée à elle, les universités. Mais tandis que l'université de Paris garda jusque dans ses audaces un souci constant de l'unité catholique et de l'orthodoxie de la foi, la jeune université de Prague se laissa rapidement dériver à la Révolution et porta à la papauté des coups dont celle-ci ne se releva jamais entièrement. Charles IV, préoccupé de corriger les abus dont souffrait l'Église tchèque, avait soutenu énergiquement l'archevêque Ernest de Pardubice lorsqu'il avait entrepris d'arracher ses prêtres à leur désordre. Il s'aperçut bientôt que pour extirper le mal, il fallait provoquer un grand mouvement populaire. Il appela à Prague un moine autrichien, Conrad de Waldhausen, dont la parole éloquente eut un profond retentissement. Après lui, Militsch de Kremsier, par ses sermons, et Matthias de Janoff, par ses écrits, continuèrent son œuvre. Ils réunirent autour d'eux un groupe important de jeunes gens, laïcs ou clercs, qui, opposant à l'Église ses propres doctrines, la sommaient de revenir à sa pureté primitive et de se retremper aux sources mêmes du christianisme. Les scandales du schisme accrurent leur ardeur et leur rallièrent de nouveaux partisans. La création à Prague d'un grand centre de théologie scientifique donna au mouvement plus d'autorité et une direction plus précise et plus claire. Les étudiants qui quittaient l'université et allaient enseigner en province emportèrent les échos jusqu'aux frontières du royaume. La langue tchèque, peu à peu perfectionnée, commençait à aborder les plus difficiles questions. André de Duba a laissé un traité de droit et Christian de Prachatice des ouvrages de médecine. Un chevalier, Tomáš Titný, élève de l'université de Prague et disciple de Milić, écrivit pour la première fois en bohème des traités de philosophie et de morale religieuse. Le Seigneur, disait-il, n'aime pas moins le tchèque que le latin. Ses dissertations, assez courtes, claires, d'une langue facile et pittoresque, trouvèrent de nombreux lecteurs. Štětný, comme Janov et Milić, était un fils soumis de l'Église. À plusieurs reprises cependant, ces premiers prédicateurs de la Réforme furent accusés d'hérésie. Ils n'hésitèrent jamais à faire amende honorable, abandonnant celle de leurs propositions qui avaient paru suspectes. Leur soumission ne désarmait pas les gardiens officiels de l'orthodoxie, leur zèle sentait la révolte. Comment en eût-il été autrement? Était-il possible d'attaquer les abus sans menacer la hiérarchie? En prêchant le retour à l'Évangile, on s'écartait de la tradition, et en relevant l'autorité du Christ, on diminuait celle du pape. Les Hussites étaient sincères, comme les premiers protestants, quand ils affirmaient que leur dessein unique était de rendre au Sauveur le culte qui lui appartient. Mais comme les protestants aussi, ils allaient être, sans le savoir et sans le vouloir, les apôtres du libre examen. La lutte commencée par eux dépassa bientôt le but qu'ils avaient visé. Jean Nepomucène. Peut-être Charles IV eut-il été assez énergique et prudent pour contenir et diriger le mouvement qu'il avait lancé. Son fils n'avait pour cela ni assez de clairvoyance ni assez de suite dans les idées. Sa piété était au moins tiède. Nous possédons encore un manuscrit de la Bible qu'il avait orné de dessins et de réflexions obscènes. Parmi ses ministres, plusieurs étaient nettement hostiles au clergé. Le nouvel archevêque, Jean de Jesenstein, était un fanatique entêté et médiocre. Il se heurta très vite à la volonté capricieuse du roi et leurs démêlés aboutirent à un conflit tragique. En 1393, Venceslav, dans un de ses terribles accès de colère, menaça l'archevêque, voulut le faire arrêter. Jesenstein fut sauvé par son escorte, qui l'enleva pour le soustraire à la vengeance du monarque. Ivre de fureur, le roi se jeta sur les conseillers de l'archevêque, les frappa du pommeau de son épée, les fit mettre à la torture. Quand il revint à lui, effrayé et un peu honteux, il ordonna de les relâcher après leur avoir fait promettre de garder le silence. Le vicaire général, Jean de Pomuc ou Népomucène, avait été si maltraité qu'on désespéra de le sauver. On lui attacha les mains derrière le dos, on le bâillonna et la nuit venue, on le jeta dans la Vlava. Après la défaite du protestantisme en Bohême, au XVIIe siècle, les jésuites en quête d'un saint pour remplacer Jean Hus dans le culte populaire racontèrent que le roi avait voulu forcer Népomucène à lui révéler la confession de la reine et le martyr du secret de la confession fut canonisé. Sa fête devint la grande fête religieuse de la Bohême et chaque année, des milliers de paysans accoururent de toutes les parties du pays faire leur dévotion au pied de la statue du saint. Elle s'est levée au milieu du pont de Prague, au-dessus de l'endroit où, suivant la légende, avait surnagé la langue du martyr. Sur le moment, les violences de Venceslav ne provoquèrent aucune protestation. Abandonné par le pape, qui craignait de s'aliéner l'empereur, Jean de Jesenstein se démit de ses fonctions. Quant au peuple, il semble avoir approuvé cette justice brutale. Son indifférence témoigne de l'impopularité croissante du haut clergé et de la colère que soulevaient les abus. La chapelle de Bethléem. Le parti réformateur avait trouvé une tribune officielle dans la chapelle de Bethléem, fondée par un chevalier, Jean de Milheim, et un riche marchand de Prague, Chris. Exclusivement réservée à la prédication tchèque, les prêtres qui y continuèrent l'œuvre de Milić et de Janov, Jean Protiva, Jean de Stickno, Étienne de Colin, furent bientôt les véritables directeurs religieux de toute la population slave de la capitale. Comme leurs prédécesseurs, Leurs ailes n'allaient pas sans intempérance, et les moines, les franciscains surtout, fort irrités d'une concurrence qui diminuait leurs revenus, n'eurent pas trop de peine à les surprendre en flagrant délit d'erreur. Née du besoin d'une réforme morale, la révolution religieuse tchèque s'est toujours moins occupée de la doctrine que de la rénovation des âmes. Cette indifférence théologique, par laquelle s'explique en partie son échec définitif, la marque d'une physionomie spéciale et lui donne un caractère tout national, bien que la rupture définitive avec l'Église ait été déterminée par l'introduction en Bohême des livres de Wycliffe. Il est démontré que Jean Hus a emprunté au maître d'Oxford la plupart de ses doctrines. Mais quand on aura établi que tout son enseignement philosophique est inspiré de Wycliffe, il restera encore à expliquer pourquoi ce fut en Bohême et non en Angleterre qu'éclata la révolte. Les dissidences théologiques furent le prétexte de l'insurrection, mais ne la créèrent pas. Elles en furent l'occasion et non la cause. Les abus du clergé, les besoins de la conscience morale, le mysticisme avaient peu à peu développé dans le peuple le désir ardent d'une réforme radicale de l'Église. Comme la hiérarchie lui refusa les satisfactions auxquelles il prétendait, il essaya de les conquérir lui-même. Entre les représentants officiels de l'Église et les adorateurs mystiques de l'Évangile, la rupture était fatale. Aujourd'hui, les historiens allemands espèrent, en prouvant que Hus n'était pas un théologien indépendant, diminuer la valeur du mouvement révolutionnaire tchèque. Comment admettre que des Slaves aient les premiers prononcé les mots d'émancipation religieuse ? Subtilité puérile. Ce que fit la puissance de Hus, ce qui fait encore sa grandeur, c'est sa mort et non sa doctrine. À l'origine, les abus n'avaient pas été attaqués avec moins de passion par les Allemands de Bohême que par les Slaves. Peu à peu, cependant, toute cette agitation qui se faisait en tchèque les avait inquiétés et ils s'étaient renfermés dans une froideur pleine de méfiance. La masse du peuple était toujours demeurée slave. Les progrès de la richesse avaient réveillé chez elle le sentiment de ses droits. Dans les villes, les classes inférieures, presque exclusivement indigènes, supportaient avec impatience la prédominance du patriarcat étranger. Le petit clergé était hostile aux Allemands, qui lui enlevaient les plus riches bénéfices. Les nobles haïssaient dans la bourgeoisie des rivaux privilégiés. Pour des raisons différentes de sentiments et d'intérêts, toutes les diverses catégories de ce qui commençait à former le parti national étaient favorables à la réforme de l'Église. Les idées de restauration slave et de retour au christianisme primitif tendaient peu à peu à se confondre. En s'affranchissant de Rome, les Tchèques songeaient aussi à s'affranchir de l'Allemagne. Rien de plus ordinaire. Dans tous les pays, la révolte contre la papauté coïncide avec le réveil de la conscience nationale. Les Allemands, hauts dignitaires, bourgeois, maîtres de l'université, commençaient à s'inquiéter. Les incidents politiques aigrirent les passions. Les électeurs, mécontents de Venceslav, avaient élu Robert le Palatin, roi des Romains, 1400. Les Tchèques ressentirent vivement l'injure faite à leur souverain. Et lorsque les Misniens vinrent assiéger Prague, les prédicateurs tchèques soutinrent le courage de la population, tandis que quelques maîtres allemands prenaient parti pour Robert. Compromis par leur attitude au moins suspecte, ils voulurent prendre leur revanche et accusèrent les maîtres tchèques d'avoir adopté les doctrines de Wycliffe. Les universités représentaient alors, dans une certaine mesure, les assemblées parlementaires des nations modernes. Toutes les questions qui agitaient l'opinion publique y aboutissaient, mais dissimulées sous la forme de discussions scolastiques. La lutte qui s'engagea à propos du maître d'Oxford dut son importance à la violence et à la complexité des passions qui lui servaient de substratum. Les relations des diverses universités européennes étaient alors très actives. Et d'ailleurs, depuis le mariage de la sœur de Venceslav, Anne, avec Richard II, les rapports de la Bohême et de l'Angleterre étaient assez fréquents. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que les livres philosophiques de Wycliffe, puis ses traités théologiques, aient été connus et commentés à Prague. Les Allemands, disposant de la majorité, prirent parti contre le maître d'Oxford, dont les doctrines avaient déjà été condamnées par l'autorité religieuse, tandis que les docteurs tchèques, sans défendre ouvertement les propositions incriminées, prétendirent que Wycliffe ne leur avait jamais attribué le sens qu'on y voulait voir. Poursuivi pendant plusieurs années avec la violence ordinaire des querelles scolastiques, Ces discussions, en même temps qu'elles irritaient les passions, eurent pour résultat de faire peu à peu dévier le débat, donnèrent aux tendances réformatrices qui n'avaient d'abord visé que les mœurs du clergé une apparence d'hérésie, amenèrent les Tchèques à s'écarter sur quelques points de l'enseignement orthodoxe, en même temps qu'elles les habituaient à résister à l'autorité régulière. Fin de la section 56. Lupard, Christine.